La tasse du week-end. Radio Antigone, Phil FM. De 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans la case du week-end qui est enfin de retour. J'espère que tout va bien, que vous passez un bon week-end. Un bon week-end prolongé, peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes au travail. Si c'est le cas, bon courage. Je vais essayer de vous faire passer un bon moment et surtout de vous en donner du courage avec cette belle émission et de la très bonne musique. On écoutera Skip the Use dans quelques minutes avec Human Disorder. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y aura également James Young avec Infinity. Il y aura bien sûr une chronique économique tout à l'heure avec Dominique Bayard. Nous parlerons bien sûr numérique dans une demi-heure à peu près. Et puis il y aura plein d'autres choses avec votre éphéméride à 10h45 et juste après un classique musical qui sera ce soir. Ce matin plutôt, George Michael avec Face. Nous sommes bien en direct hein, pourtant. Oui, on est bien en direct et j'arrive à me tromper à 10h12. On écoutera donc George Michael. Ben voilà, ça va nous faire du bien ça, tout à l'heure, juste avant 11h, sur Radio Antigone et sur Phil FM, bien sûr. Pour l'instant, avant de parler cinéma, avec les sorties cinéma de mercredi prochain, qui arrivent dans 4 minutes, voici Noël Gallagher et Flying Birds, extrait de l'album du même nom, voici Aka What a Life, sur Phil FM et Radio Antigone. Merci d'être avec nous sur Radio Antigone et sur Phil FM comme depuis un an. Désormais, il est 10h16, nous sommes donc tout pile à l'heure pour les sorties cinéma. Les sorties cinéma. Les sorties cinéma, et oui, c'est tous les dimanches, les films qui sortent le mercredi d'après en salle. Et les prochaines sorties, ce sera le 16 novembre, mercredi 16 novembre, avec notamment ce film de Emily Fraîche, Les Engagés, film qui racontera l'histoire de David qui, sur la route de Briançon, percute en voiture un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, il va le cacher dans son coffre et le ramener chez sa compagne Gabrielle qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, David va s'engager à l'aider coûte que coûte. Les Engagés, c'est en salle dès mercredi. Autre film, il se nomme Plus que jamais, il sera également en salle mercredi. Un film de Émilie Attef avec Vicky Krebs, Caspar Ulliel et Björn Floberg. Il raconte l'histoire de Hélène et Mathieu qui sont heureux ensemble depuis plusieurs années. Le lien qui les unit est profond, mais confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver la force de leur amour. Le film, d'une durée de 2h02, sera en salle ce mercredi. On poursuit avec un film de Valeria Bruni Tadashi, Les Amandiers. Direction la fin des années 80, où nous rencontrons Stella, Étienne et Adèle et toute la troupe qui ont 20 ans. Ils passent le concours d'entrée de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Roman au Théâtre des Amandiers de Nanterre, d'où le nom du film. Lancé à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l'amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie, mais aussi leur première grande tragédie. Une comédie dramatique de 2h05 en salle dès ce mercredi. On termine ces sorties cinéma avec un film avec Gad Elmaleh, pardon. Gad Elmaleh, Régime Elmaleh et David Elmaleh. Vous l'aurez compris, toute la famille de Gad Elmaleh dans Reste un peu, film qui raconte l'histoire de Gad Elmaleh, hein, qui, après 3 années en Amérique, décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c'est en tout cas la réponse officielle pour justifier son retour, car apparemment, il n'est pas seulement rentré pour le couscous de sa maman, mais également pour une autre femme qu'il vient retrouver à Paris. La Vierge Marie, nous dit la description de Allo Ciné. Le film Reste un peu, une comédie d'1h33 en salle dès ce mercredi. Voilà pour ces sorties cinéma. Retour des sorties cinéma tout à l'heure en fin d'émission. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end. Et tout de suite, avant Aujourd'hui l'économie, voici Skip the Use, Human Disorder. They call me trouble, they call me life, they call me color, call me skin, call me friend. We are the face of the faceless nation. On the un très très bon titre pour continuer cette case du week-end. 10h22, c'était Skip the Use avec Human Disorder. Et voici aujourd'hui l'économie. Aujourd'hui, l'économie. Direction la Norvège avec Nathanaël Vitran et Dominique Bayard. Bonjour Dominique Bayard. Bonjour Nathanaël. On va parler ce matin du fonds souverain de la Norvège. Il est chargé de faire fructifier les dividendes du pétrole pour les générations futures. Eh bien, ce fonds est aujourd'hui rattrapé par les turbulences de l'économie mondiale. Il vient même de céder sa première place mondiale en valeur au fonds étatique chinois, le CIC, le China Investment Corporation. Oui, avec la remontée des taux d'intérêt, l'inflation, le fonds norvégien a enregistré de nouvelles pertes au troisième trimestre et c'est comme ça qu'il a perdu sa couronne de plus grand fonds au monde. Son portefeuille a fondu de plusieurs dizaines de milliards de dollars depuis le mois de janvier. Pas de quoi déstabiliser cet insubmersible de la finance. Sa valeur actuelle, 1170 milliards de dollars, équivaut à 3 fois le PIB de la Norvège. Et ses pertes de 2022 sont toutes relatives. Elles sont encore inférieures aux gains réalisés l'an dernier. 2021 aura été une année mirifique pour le fonds norvégien, avec un retour sur investissement record, même incroyable, supérieur à 14%. Et les revers de cette année seront en partie compensés par les super profits réalisés par la Norvège dans le gaz et le pétrole. Oui, tout à fait, parce que depuis sa création en 1990, ce fonds souverain, créé donc pour gérer la manne pétrolière, est régulièrement abondé par une fraction des recettes des hydrocarbures. Alors avec l'envolée du brut et du gaz, les revenus redistribués au fonds vont fortement augmenter cette année, ainsi qu'en 2023, puis en 2024, d'après les prévisions de ses analystes. C'est à son directeur d'en faire le meilleur usage et de trouver des placements judicieux pour le faire fructifier et effacer les pertes actuelles. Le fonds investit les 2/3 de son portefeuille en actions, alors cela peut paraître risqué, mais sa participation est toujours prudente et limitée, pas plus de 5% du capital d'une entreprise. Il gère des capitaux sur le long terme, il n'est donc pas soumis à des obligations de résultats annuels, comme le sont les hedge funds, les fonds d'investissement privés, qui doivent satisfaire leurs actionnaires. Et est-ce que les déboires actuels de ce fonds norvégien vont nuire à sa réputation ? Alors bon, c'est un fonds qui fait figure d'exception européenne parmi la sélection des 10 premiers mondiaux. C'est le seul à promouvoir avec constance des valeurs d'investisseurs responsables sur le plan environnemental et social. Et pour le moment, cela lui a plutôt réussi. Les analystes sont confiants. Il devrait rapidement retrouver sa place de leader. Il restera donc un acteur très influent, très écouté de la finance mondiale et très puissant. La plupart des autres poids lourds émanent du Golfe ou d'Asie. 3 d'entre eux sont chinois, dont l'actuel numéro 1, le China Investment Corporation. 1/4 émane de Hong Kong, 2 de Singapour et 3 autres du Koweït, d'Abu Dhabi et du Qatar. Cela se conforme aux intérêts supérieurs de leur pays d'origine. Et avec quelles conséquences concrètes sur les investissements ? Eh bien, par exemple, la plupart d'entre eux n'ont pas renoncé à leurs investissements en Russie, malgré les sanctions occidentales. Et aujourd'hui, face à l'inflation et à la hausse des taux qui rognent leurs bénéfices, ils regardent du côté des placements de long terme stratégiques pour leur pays, pour diversifier leur portefeuille. Les fonds du Golfe investissent beaucoup dans les projets d'infrastructure en Égypte, en espérant un retour sur investissement financier, mais aussi diplomatique. Les fonds souverains les plus puissants pourraient pourquoi pas devenir des acteurs clés de la reconstruction de l'Ukraine. Ils en ont largement les moyens. Leurs actifs dépassent la barre des 10 000 milliards de dollars. Voilà tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur les fonds souverains sans jamais oser le demander. Merci beaucoup Dominique Bayard. Merci beaucoup à vous aussi Nathanaël Vitran pour l'avoir accompagné. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle chronique économique. Dans un instant à 10h30 tout pile, on sera à la seconde près, voilà. Donc à 10h30 tout pile, on fera un nouveau point sur l'actualité de ce dimanche 13 novembre 2022 ainsi que sur la météo. Mais pour l'heure, voici Oxmo Puccino avec la danse couchée. De ce jardin où les secrets fleurissent, loin des lieux où les fruits s'interdisent, à califourchon sur le crépuscule, la nuit se penche mais ne tombe presque plus. C'est un voyage d'un millésime inouï, faire les 3-8 d'épaule parfumée d'huile, quand la peau roule sous les phalanges, tout se balance, que le désir augmente en avalanche. Écartons les raisons pâles et partons d'une valse horizontale. logiciel, plus de timidité, un petit peu de dentelle. Union sensuelle et mouvante, les draps autour de nous soufflent un doux vent. J'aime quand la vie coulisse, pubis contre coccyx, complice, poulpice. L'instant se veut apaisant, en se taisant, passe en apesanteur. Avant 70, on s'entremêle plus de haut ni bas, ni de distance. Seuls les polygarçons peuvent faire monter la température en colimaçon. Viens danser, allongeons-nous. Rien à penser, mélangeons-nous. Viens danser, allongeons-nous. Rien à penser, mélangeons-nous. Éloignons, on reste à court d'idées. Enlacés, nous sommes un bouquet d'orchidées. Le silence nous laisse en petite cuillère. La troisième seconde est loin derrière. La croisière s'annonce par la manière. La paupière s'inonde et monte ma fièvre. J'ai les contacts, les vides tournent à l'opaque. C'est plongé dans nos ondes, je m'y jette sans masque ou tu vas. L'envers dans tous mes sens, j'oublie comment compter jusqu'à 10. Perdre mes arrières quand je prends les devants vu qu'on se disperse. Allez doucement, mélangeons-nous. Viens entre mélangeons-nous dans la brume jusqu'au point du jour. Je veux danser pour nous, dis-moi, suis-je la plus séduisante? Gourmandisante. Viens danser, allongeons-nous. Rien à penser, mélangeons-nous. Viens danser, allongeons-nous. Rien à penser, mélangeons-nous. Merci d'écouter Radio Antigone et Phil FM. Oxmo Puccino, la danse couchée, c'est ce que nous venons d'écouter. Phil FM, Radio Antigone. Et c'est parti pour une nouvelle demi-heure avec les actus du numérique ainsi que l'éphéméride qui arrive dans un instant. Il est 10h30. Phil FM, feel the vibe. Phil FM. Voici avant tout ce beau programme un nouveau point sur l'actu dès maintenant avec le Flash. Dans l'actualité, aujourd'hui, les suites de l'effondrement de deux immeubles dans le centre-ville de Lille. Hier, une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte. Ça a été annoncé par le parquet hier soir. Et nous avons appris que, un corps sans vie avait été retrouvé dans cette nuit, oui voilà, malheureusement, et il s'agirait visiblement du médecin qui était porté et disparu dans sa voiture, dont la voiture avait été retrouvée devant l'immeuble. Il ne s'était pas présenté à ses rendez-vous médicaux dans la journée. Une autre personne légèrement blessée avait pu être évacuée au-dessus des décombres hier, d'après les secours. Dans l'actualité également, l'armée russe a bombardé les communautés Nikopol et Marganet de la région de Dnipro-Tevkek, selon le chef de l'administration militaire de la région, qui a affirmé sur Telegram que la ville de Nikopol, où plus de 40 obus sont tombés, a le plus souffert, et à la suite des bombardements, deux résidents locaux ont été transportés à l'hôpital. Dans le même temps, après l'appel à la mobilisation générale par Vladimir Poutine il y a quelques semaines, la présidente géorgienne explique que plus de 700 000 Russes auraient franchi la frontière vers la Géorgie. Au total, 600 000 et quelques sont repartis probablement sur différentes directions, l'Arménie voisine, la Turquie et les pays européens, et 100 000 à peu près seraient restés du côté de la Géorgie, selon donc la présidente géorgienne Salomé Zurabichvili. Dans l'actualité également, l'acteur américain Alec Baldwin a porté plainte contre plusieurs membres du tournage du film Rust, sur lequel l'année dernière il avait tué la directrice de la photographie Aina Hutchins en 2021 en manipulant un revolver qui était chargé. D'après sa plainte, la tragédie a eu lieu parce que, je cite, des balles réelles ont été livrées sur le tournage et chargées dans l'arme. On termine ce point sur l'actu avec le président Joe Biden qui a déclaré aujourd'hui qu'il chercherait à établir des lignes rouges dans les relations tendues entre les États-Unis et Pékin en cours de sa rencontre à fort enjeu avec son homologue chinois Xi Jinping demain. Ça sera dans marge du sommet du G20 en Indonésie. Voilà pour ce point sur l'actu. Je vous propose qu'on passe à la météo. Et il faut que je retrouve mes fiches, puisque si c'était bien préparé, eh bien, ça ne serait pas la case du week-end. Voilà, mes fiches. Et, c'est mitigé aujourd'hui, parce qu'il y a du grand soleil à prévoir cet après-midi sur une majeure partie de la France, mais vous aurez quand même de la pluie si vous êtes en Corse. Et oui, malgré les températures élevées, 19 degrés, c'est la plus haute température que vous aurez en France, mais avec de la pluie si vous êtes du côté de la Corse. Partout ailleurs, les températures vont s'échelonner entre 13 et 19 degrés justement. 13, ça c'est pour Reims, 8 degrés à Belfort, voilà, encore plus bas, mais avec du grand soleil tout de même. Quelques nuages à Strasbourg et la même température pour cet après-midi. 21 degrés à Tarbes, 21 à Biarritz avec un grand soleil, quelques nuages pour Montélimar, Gap ou encore Marseille et Montpellier. 17 degrés à Rennes avec du grand soleil, 14 degrés à Alençon. Et demain, eh bien ça va se gâter avec de la pluie qui va arriver de l'ouest de la France. Il fera 14 degrés à La Rochelle, 12 degrés à Nantes, 11 degrés à Rennes. Attention à ces pluies aussi du côté de Bourg-Saint-Maurice où il ne fera que 5 degrés demain matin. Toujours un petit peu de soleil du côté de la Méditerranée, mais la pluie ne va pas tarder à arriver, notamment du côté de Montpellier. 14 degrés la matinée et en apprenant l'après-midi, des orages risquent de se déclarer dans cette même localité. Les températures qui monteront jusqu'à 15 degrés et les pluies qui vont se décaler pour couvrir toute la France demain après-midi. On en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. La case du week-end. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. J'ai encore fait un flash et une météo à rallonge, mais c'est pas grave. Merci de nous écouter. Sur Radio Antigone, c'est toujours la case du week-end. Pareil sur Phil FM, nous sommes en direct jusqu'à midi. Et oui, on a encore une heure et demie à passer ensemble. On va les passer, ces 7h30 en tout cas, on va la passer avec les actus du numérique. Il y aura également Julien Doré dans quelques minutes avec L'Arme Fatale. Oh, elle est pas belle la vie. Explique, hein, je me sens un petit peu bizarre parce que j'ai un peu froid là dans mon appartement et donc du coup ça explique que j'ai un petit peu de mal à parler et que parfois je me trompe dans les mots parce que je tourne un petit peu à seulement 80%, voilà. Qu'est-ce qu'on aura d'autre dans cette demi-heure d'émission pour vous accompagner jusqu'à 11h? Eh bien l'éphéméride tout à l'heure à 10h45 et puis un classique musical avec George Michael, Faith. Cause I gotta have faith. Oh, ça va nous faire du bien, ça. Mais pour l'heure, écoutons James Young. Voici Infinity. Il est 10h36. Baby, this love, I'll never let it die. Can't be touched by no one. I like to see him try. For yours, and you've been. Merci d'écouter Phil FM, c'était James Young avec Infinity. Radio Antigone, Phil FM. Les actus du numérique. Et pour ces actus du numérique, je vous propose de partir du côté des plateformes de streaming. Plateformes de streaming audio d'un côté et aussi vidéo, parce que maintenant ça se mêle depuis l'arrivée du côté du marché du streaming audio de YouTube, qui propose sa formule YouTube Premium, qui permet d'avoir accès à un catalogue de musique à l'instar de Deezer ou encore de Spotify, mais également un catalogue un petit peu supplémentaire sur YouTube. La partie vidéo et des publicités réduites, même pas de publicités en version payante, et des fonctionnalités supplémentaires comme le Picture in Picture pour pouvoir regarder votre vidéo YouTube pendant que vous êtes en train de faire autre chose sur votre téléphone. YouTube Premium, donc, c'est pour la vidéo mais également pour l'audio, et ça tend à concurrencer les plateformes de streaming comme Spotify et Deezer, même si d'après les derniers chiffres, YouTube Music est encore très loin derrière Spotify. Néanmoins, ça avance, puisque la plateforme vidéo de Google a annoncé cette semaine dans un communiqué qu'elle recensait actuellement plus de 80 millions d'abonnés à ses offres payantes, musique et premium, en incluant les utilisateurs en période d'essai gratuite, soit une hausse de 60% sur un an. Et oui, une augmentation de 30 millions de membres par rapport aux 50 millions annoncés l'année dernière, selon le directeur du service YouTube Music, Lior Cohen. YouTube Music qui coûte 9,99€, en tout cas ça c'est le prix en dollars, 9,99$ pour un catalogue de plus de 100 millions de chansons, des performances quasiment, des possibilités quasiment égales à Spotify, un leader du marché du streaming musical qui n'aurait attiré cette année que 23 millions de d'abonnés en plus, soit beaucoup moins que l'avancée de YouTube Music, mais le nombre d'abonnés est quand même bien supérieur à YouTube Music, 195 millions d'abonnés. On est donc encore loin pour YouTube de dépasser Spotify. Néanmoins, l'augmentation est assez folle, sûrement due à une belle communication du côté de Google pour ce genre de choses. Peut-être une communication plus importante que Spotify, qui maintenant en fait beaucoup moins, peut-être du point de vue de sa notoriété, qui est maintenant sans besoin de communication. Néanmoins, ça semble devenir compliqué pour Spotify. Voilà pour ces petites actus du numérique. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette case du week-end ? On va écouter un petit peu de musique. Radio Antigone, Phil FM. 10h midi, la case du week-end. On parlera aussi du 13 novembre avec l'éphéméride dans un instant. Est-ce que c'est votre fête ? Est-ce que c'est votre anniversaire ? N'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, hashtag LCDW, et puis je vous fêterai votre anniversaire. On aura aussi un classique musical avec George Michael, et puis tout de suite, voici Julien Doré avec L'Arme Fatale. Sur ma bouche, les arguments et les baisers, je sais, j'en ai mis du temps pour te trouver. J'ai remis les gants pour venir te toucher au milieu des torrents de médiocrité. Si la pluie s'installe, viens sur mon oreiller. J'ai la larme fatale, mais j'ai rien oublié. Tu sais, tout est incertain et tout est dispersé. J'ai vendu mon âme avant de négocier. Par la main et dis-moi si j'ai pied. Des fois que j'avale un peu de leurs idées. La vie me fait mal avec ses coups de dés. Mourir c'est pas grave, c'est que tout le monde le fait. Thank you. Si les cœurs sont sales, il faut les nettoyer. On éteint la flamme avec de l'eau salée. La nuit je suis grand et le jour je suis laid. Partons bien avant que le soleil soit tombé. Oh, elle est pas belle la vie. Ça dépend des moments. Merci Julien Doré. L'arme fatale, c'est ce que nous venons d'écouter à 10h45 sur Phil FM. Nous sommes donc pile à l'heure pour l'éphéméride. L'éphéméride. Phil FM et Radio Antigone, bien sûr. Nous sommes le dimanche 13 novembre 2022. C'est le 317e jour de l'année. Bonne fête aujourd'hui au Brice, au Abon, au Maxeland. C'est la journée mondiale des pauvre journée mondiale explicitement voulue par le pape François, qui a été promulguée par l'Église catholique en 2017. Bon anniversaire aujourd'hui à l'humoriste américain Jimmy Kimmel, qui fête ses 55 ans. Mathieu Noël, journaliste et humoriste français, à 40 ans. Aurore Berger, 36 ans. Chris Noss, l'acteur américain, fête ses 68 ans. Et puis Joe Mantegna, l'acteur américain, fête ses 75 ans aujourd'hui. Que s'est-il passé un 13 novembre ? Eh bien, revenons sur cet attentat, ces 6 attentats tragiques qui ont eu lieu le 13 novembre 2015 en France. Attentat qui, eh bien, vous rappeler ce terrible bilan de 131 morts. Et 413 blessés, dont 99 grièvement, 131 morts, chiffre d'ailleurs qui a évolué au fil du temps, puisque 2 ans après les attentats, un des rescapés s'est suicidé et fait augmenter le nombre de morts, a fait passer le nombre de morts de 130 à 131, car la justice a reconnu son statut de victime directe de cet attentat. Une pensée à tous les autres rescapés, aux familles des victimes qui il faut donner du soutien et de la force. Que s'est-il passé d'autre un 13 novembre ? Eh bien, c'est un 13 novembre que Claude Monet a peint Impression Soleil Levant, le tableau considéré comme fondateur de l'impressionnisme. C'était en 1872. Qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre ? Eh bien, c'est un 13 novembre 1927, que le Holland Tunnel a ouvert à New York. Il a autrefois été connu sous le nom de Hudson River Vehicular Tunnel. C'est un des 2 tunnels autoroutiers qui traversent l'Hudson pour relier l'île de Manhattan à Jersey City sur le continent. L'autre tunnel, c'est Lincoln Tunnel. Quel est le dernier événement à s'être déroulé un 13 novembre, notamment, hein ? Eh bien, c'est un 13 novembre qu'a été mis en vente le roman Le Rouge et le Noir de Stendhal. 13 novembre 1830. Voilà pour votre éphéméride et très joyeux anniversaire si vous êtes né un 13 novembre, bien sûr. Le classique de la case du week-end. Allez, on repart en musique, ça fait du bien d'avoir un classique. Dans quelques instants, on va parler médias, direction France Inter. Oui, direction France Inter. Et puis si on a le temps, on ira aussi du côté je ne sais plus. Donc je vous redirai ça tout à l'heure. Est-ce que j'ai sous la main, peut-être ? J'arrive pas à faire défiler mon conducteur, en fait, avec mes mains qui sont gelées. Je vous redis ça après. Qu'est-ce qu'on aura d'autre ? Eh bien, on aura tout à l'heure, à 11h, un nouveau point sur l'actualité et sur la météo. Pour l'instant, voici ce grand classique musical signé George Michael. Voici Face. Radio Antigone, avec cet excellent titre de George Michael, le classique musical de cette case du week-end sur Phil FM et Radio Antigone, c'était Face. Radio Antigone, Phil FM. Les actus des médias. Nous sommes là pour les actus des médias, direction France Inter, qui continue décidément. Le service public a du mal avec la gestion des CDD, des CDI, bref, des contrats de travail, puisque nous avons appris la semaine dernière qu'après 40 années de CDD successifs imposés, Noël Bremam, arrivée à la maison de la radio en 1982, présentatrice et productrice de l'émission dominicale Les Petits Bateaux depuis 1997, a été remerciée par la direction de France Inter et a présenté tout à l'heure, ce dimanche, sa dernière émission, et ce sans le savoir car elle était déjà enregistrée. Le problème, eh bien, c'est tout simplement qu'elle avait refusé de signer un énième contrat à durée déterminée d'usage, un CDDU, et ce pour la saison 2022-2023. Elle avait d'abord réclamé directement à son employeur au printemps dernier, puis ensuite devant la justice, un statut normal en CDI, tel que prévu par le Code du travail. C'est ce qu'elle a expliqué lundi soir par un communiqué de son avocat, maître Johan Sibyl. Cette requalification en CDI a été rejetée par France Inter, qui pour l'instant se refuse de commenter cette procédure en cours, mais qui a réagi avec, je cite, « Nous nous voyons partir Noël Bremam avec regret. » Voilà pour cette petite info contrat de travail. Restons sur le service public, car après l'émission Aux Arbres Citoyens diffusée mardi soir avec Léa Salamé et Hugo Clément sur France 2, émission dédiée à la préservation des forêts, après cette émission, le directeur des programmes de France Télévisions, Stéphane Cidbon-Gomez, a annoncé mardi matin, justement sur France Info, que France Télévisions allait mettre l'environnement partout sur ses antennes, et ce notamment dès la rentrée de janvier, car par exemple, dès janvier 2023, donc, France 5 dédiera une émission par semaine en prime time à la question environnementale. Et ça se déroulera toutes les semaines le lundi soir, nous a-t-il précisé. Annonce qui n'est pas une révolution, hein, car la case, car l'environnement est un sujet assez habituel sur la case qui bouge, hein, le lundi soir sur France 5. Hugo Clément présente notamment régulièrement son magazine Sur le Front, magazine dédié à l'environnement. Voilà. Stéphane Sidbon-Gomez a justifié d'ailleurs le choix de France 2 de porter l'attention des téléspectateurs sur les arbres ce mardi soir par il y a 3 ans. France Télévisions s'était engagée en faisant l'émission Pour la Terre, une émission de mobilisation autour des enjeux globaux du dérèglement climatique et des petits gestes. On ne peut plus se contenter d'une émission sur les petits gestes, a-t-il estimé, d'où cette nouvelle émission diffusée sur France 2 et qui n'a pas réuni beaucoup de téléspectateurs. Déjà 3 ans d'ailleurs l'émission Pour la Terre, je ne l'avais pas vu passer le temps aussi vite. Voilà pour ces deux actus médias sur Phil FM et sur Radio Antigone, les actus du média qui reviennent dans une heure. Voilà, dans une heure. On ira du côté de la chaîne L'Équipe. Je vais parler Coupe du Monde de football. Alors attention, enregistrez-moi ça. Parce que je parle de foot et encore plus de la Coupe du Monde, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pour l'instant, on repart en musique avec Phoenix. Voici Rome sur Phil FM et Radio Antigone. Très très bonne matinée à tous. Bon réveil. Who's the boy you like the most? Is it teasing you with underage? Could he be waving from a tropical sunset? Static silhouette somehow. Single in his bed someday. Quiet till it falls. Trash can that burned a cigarette somewhere. Ashes still it fall, fall, falls. I stand outside under the roof. Merci d'écouter Radio Antigone et Phil FM. Avec Phoenix à l'instant, c'était Rome, extrait de l'album Wolfgang Amadeus Phoenix. Phil FM, Radio Antigone. Et il est quasiment tout pile 11h. Dans quelques instants, il y aura l'archive pub et le Musicator 2000, ainsi qu'aujourd'hui l'économie. Restez bien avec nous. Tiens, j'ai mangé le top horaire, ça faisait longtemps. Allez, on fait un point sur l'actu. Dans l'actualité ce matin, les autorités américaines ont confirmé que deux avions de la Seconde Guerre mondiale se sont percutés et ont heurté le sol hier lors d'un spectacle d'avions militaires des années 1980 à Dallas, au Texas. À ce stade, aucun bilan n'a été communiqué, nous précise France Info. Dans l'actualité également, la personne portée disparue après l'effondrement des deux immeubles dans le centre-ville de Lille hier a été retrouvé décédé malheureusement. L'immeuble dans lequel se trouvait la victime retrouvée morte n'avait pas été évacué car il était censé être vide, a affirmé sur France Info Violette Spilbou, députée Renaissance du Nord et conseillère municipale de Lille, qui selon elle explique que l'immeuble était complètement déclaré en travaux et que c'était le propriétaire qui a signalé au service de police le fait qu'il hébergeait quelqu'un, a-t-elle assuré. Dans l'actualité également, le parti démocrate américain a remporté le siège qui lui manquait pour conserver le contrôle du Sénat des États-Unis. Une victoire décisive donc pour la suite de la présidence de Joe Biden, mais un nouvel échec cuisant pour Donald Trump. Autre actualité, deux ressortissants français ont été arrêtés en Iran, ce qui porte à 7 le nombre de détenus français dans les prisons de la République islamiste, a annoncé la chef de la diplomatie française Catherine Colonna aux Parisiens, affirmant que le chantage ne doit pas fonctionner. Voilà pour ce point sur l'actu qui respecte les durées, c'est rare. On passe à la météo tout de suite. Et la météo, aujourd'hui, c'est très très beau, donc profitez-en car ça ne va pas durer. Il y a du soleil, oui, des températures qui, eh bien, sont très variées. Hein. Ça va de 12 jusqu'à 21 degrés pour Tarbes. 12, ça c'est pour Lille, justement, on en parlait dans le flash avec cette actualité tragique. Metz, il fera 11 degrés, 17 degrés à Rennes avec du grand soleil, à Chalon-sur-Saône, 10 degrés, tout comme à Chaumont, 12 degrés pour Bourges, 15 degrés à Tours. Il y aura de la pluie sur Ajaccio cet après-midi, malgré les 19 degrés au compteur. Demain, je vous le disais, ça va se gâter avec la pluie qui va, eh bien, arriver encore plus de la Méditerranée. Il y en aura notamment à Montpellier demain matin, ainsi qu'à Bourg-Saint-Maurice en remontant un petit peu au nord. Et ça va arriver également de l'ouest. Et bah oui, puisque la Nouvelle-Aquitaine et les pays de la Loire ainsi que la Normandie ne seront pas épargnés avec les averses. Et dans l'après-midi, eh bien ça va se décaler pour arriver sur la majeure partie de la France. Quelques villes, quelques départements seront peut-être épargnés, mais rien de bien sûr. Les températures s'échelonneront entre 10 et 19 degrés. 19 degrés, ça c'est pour le sud de la France. Et qui dit température élevée dit orage qui risque de se déclencher mardi. Donc soyez prudents. On en reparlera bien sûr sur Phil FM et sur Radio Antigone. La case du week-end se poursuit et l'actu revient dans 30 minutes. La case du week-end. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Oui, on est là pour la case du week-end. Il est 11h04, merci beaucoup de nous écouter. J'espère que ça va chez vous, que vous passez des bons moments. On va continuer à écouter de la bonne musique. Il y aura aujourd'hui l'économie dans quelques instants. De quoi allons-nous parler? J'ai un petit doute là d'un seul coup. Je ne sais pas pourquoi je me lance dans ça à chaque fois quand je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Je crois qu'on va parler ananas, voilà, avec notre partenaire RFI tout à l'heure. Oui, c'est ça. On va parler ananas avec une rentrée apathique. C'est le nom de la chronique. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Eh bien, on aura également le Musicator 2000. Ben oui, on va partir dans un autre pays pour découvrir une musique. Et puis, il y aura également le programme télé. Ça, c'est le programme de la demi-heure. Dans la demi-heure suivante, à partir de 11h30, vous aurez de nouvelles actus du numérique. Il y aura les actus du sport, toujours avec notre partenaire RFI. De nouvelles actus des médias et de nouvelles sorties cinéma. Bref, un programme bien chargé pour la deuxième heure de cette émission. Émission qui sera également composée de musique. On écoutera notamment Stromae avec L'Enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Qu'est-ce qu'on écoutera d'autre? Eh bien, également Kyo avec Stand Up. Mon cœur m'a dit lève-toi, mon corps m'a dit tire-toi. Stand Up and Leave, Stand Up and Leave. Your life, mon cœur m'a dit lève-toi. Bon, je vous le dis directement, il se peut justement que je termine l'émission debout, histoire de me réchauffer. Je vais bouger dans tous les sens, peut-être que ça me réchauffera un petit peu. Il y aura un classique musical, parce que chaque heure, sur Phil FM et Radio Antigone dans la case du week-end, eh bien, on écoute un classique musical que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. Et là, on va aller dans du bien classique, du bien kitsch, du classique, avec Bandolero et Paris Latino. Et du classique musical à l'archive pub, il n'y a bien que quelques années, hein, même pas. L'archive pub. Et j'ai oublié de noter l'année de l'archive, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, une archive pub dont l'année a été choisie par notre cher Boubou Fez, le maître dans la case du soir à l'époque, et bien de la case d'avant, du journal d'avant, vous savez, où on décryptait l'actualité avec à base de vieux journaux, et on essayait et bien de mettre en contexte, dans le contexte actuel, maintenant, en réécoutant les vieux titres de l'actualité d'il y a quelques années. Bref. En tout cas, Boubou Fez a choisi l'année, je vais vous dire ça tout de suite. On va, si je ne m'abuse, en 1983 avec cette publicité diffusée à l'époque sur Antenne 2. Nous l'avons trouvé. La cassette du jeu de Tonkam. Oh. Ah, les sales bêtes, je les ai eues. Oh, j'en ai au niveau 4. Oh. Tutankham, la cassette de jeu que vous attendiez depuis 3000 ans. Tutankham, une cassette de jeu vidéo Parker. Voilà, publicité pour la cassette de jeu Tutankhamon, cassette de jeu sûrement tirée, cassette de jeu de 1983, je pense que vous imaginez ce que ça devait donner, hein. Une boîte d'origine plastique noire, nous dit-on d'ailleurs. C'est toujours trouvable, hein, si vous voulez retrouver cette cassette, voilà, pour jouer. Vous pouvez en trouver aux alentours de 6€ sur eBay. Parker, c'est l'éditeur de ce jeu, et oui, Parker qui édite encore beaucoup de jeux de société. C'est un éditeur de jeux américain qui édite notamment Cluedo ou encore Monopoly, et oui. Ça a été fondé par Georges Parker en 1983, justement. Tiens, comme par... en 1883. Oui, donc 100 ans, tout pile avant la diffusion de cette publicité. Et c'est grâce à cette personne, notamment, que la marque Monopoly a été déposée ensuite dès 1935 et tous les jeux que vous connaissez édités, notamment La Bonne Paye, Monopoly, Cluedo, Risque, Focus, Diplomatie ou même Scrabble. Bref, une très grande liste. Sachez que Parker a été racheté par Tonka en 1987, puis par Hasbro qui a lui-même racheté Tonka en 1987. 1991. C'est pour ça que vous voyez plus forcément le logo par cœur, mais en tout cas, ça à partir maintenant, vous voyez sûrement beaucoup le logo Hasbro, qui est donc le nouveau propriétaire. Voilà pour cette archive pub. Passons tout de suite, eh bien, à de la musique. Le Musicator 2000 arrive dans un instant, mais pour l'heure, eh bien, il est l'heure de s'écouter un titre qui a marqué le deuxième single du retour de Stromae l'année dernière avec son album Multitude, et voici L'Enfer. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Réfléchis, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Merci d'écouter Fil FM Radio Antigone. Stromae avec son Enfer à l'instant. Voici le musical. Oui, Enzo, tu peux mâcher encore plus les mots. Voici le musical. Ça passait trop facilement en fait. Ça allait trop bien. Donc, c'est même allé trop vite d'un seul coup. Il est 11h12. Voici le Musicator 2000. Le Musicator 2000. L'heure, je vous ai parlé de Boubou Fez, notre ami de la case du soir à l'époque, qui nous a proposé l'année pour l'archive pub 1983. Mais il a également choisi le pays dans lequel nous allons pour le Musicator 2000, car le Musicator 2000, je rappelle le principe, nous allons écouter la musique diffusée actuellement sur une radio d'un autre pays. Je lui ai donc demandé de choisir le pays, taquin comme il est. Il m'a d'abord proposé quoi? Est-ce que j'ai l'ordre? Oui, j'ai sûrement l'ordre. Il m'a d'abord proposé la Corée du Nord. Bon, trouver une radio de Corée du Nord diffusée sur internet avec quelque chose un petit peu diffusable où je peux trouver facilement les titres, c'est compliqué. Toujours taquineur comme il est, taquin comme il est, c'est quand même mieux. Et ben il m'a dit après la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je lui ai dit, t'es bien gentil, ça va être compliqué aussi, je vais quand même essayer. Bon, le fait est que là, en me reconnectant ce matin, je suis désolé, mais la musique diffusée actuellement sur une radio de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça va être compliqué. Donc, J'espère qu'il me pardonnera. Et on va aller sur dans un autre pays, malheureusement. Voilà, on va essayer de trouver lointain et atypique quand même. Mais en tout cas, on va dans un autre pays parce que c'est un petit peu compliqué. Alors, on va, si vous voulez, eh bien, aller du côté des îles Fidji. Voilà, là, on a peut-être quelque chose de sympathique à trouver. Et on va pouvoir aller sur Mirchi FM, je pense. Mirchi FM qui diffuse actuellement Tourne Tozer par des îles Crazy Affaires. Voilà. C'est compliqué ça, hein. C'est Rajiv Raja tout de suite que l'on écoute donc dès à présent sur Radio Antigone et sur Phil FM bien sûr. Si le son veut bien se mettre, ça va arriver normalement dans un petit instant. Voilà, non, toujours pas. C'est toujours long à la détente, le Musicateur 2000. Et alors, quand on est dans des pays où en plus c'est compliqué d'avoir des infos, voilà, ça va le faire. Oui, peut-être. Peut-être. J'ai pas ma musique d'ascenseur, c'est bien dommage, hein. Voilà. Merci d'écouter Radio Antigone, en tout cas. Sachez que dans quelques instants, on écoutera Kyo avec Stand Up et puis qu'il y aura le programme télé et aujourd'hui l'économie. Mais pour l'heure, voici donc ce titre diffusé sur, eh bien, la station Mirchi FM au Fidji. Voici Ravage Raja tout de suite. आंसुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओ जज्बातों से यादें रुलाती हैं तेरी अब रातों में कहती थी रहूंगी साथ तेरे मैं छोड़ गई मुझे कैसे हालातों में तुझसे ही यार किया था प्यार रखा ख्याल जब तू थी बीमार क्या मैं हूं बंदा इतना बेकार के बिना बताए तू होगी फरार लगता था साथ हम जीवन बिताएंगे छोटे हमारे सब बुढ़े हो जाएंगे बातों ही बातों में बुढ़े हो जाएंगे पता नहीं था दिल के टुकड़े हो जाएंगे मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है तो नहीं पीना है आज पैमाने पिला दो Merci d'écouter Radio Antigone et Phil FM avec un style de musique que vous n'avez pas l'habitude d'entendre sur ces deux radios. C'est normal, c'était le Musicateur 2000 avec une musique diffusée actuellement sur une radio d'un autre pays. Et nous étions aujourd'hui, eh bien, sur Mirchi FM, radio diffusée au Fidji. Voilà, tout simplement. Et le titre qui était diffusé, eh bien, c'était un titre de Rajiv Raja, Tum Tozer Pardesi. Voilà, c'est ce qu'on vient d'écouter sur Phil FM et sur Radio Antigone. Direction désormais le programme télé. Ah, oula, pardon, le jingle n'est pas là, on va le relancer tranquillement. Voici le programme télé. Radio Antigone, Phil FM, le programme TV. C'est quand même mieux comme ça. On commence par TF1, comme à chaque fois, bien sûr, pour le programme télé, on fait dans l'ordre. TF1 qui diffuse un film ce soir, Das Wish. C'est à partir de 21h10. C'est un film américain de 2018. date, voilà. Et sur France 2, 1917. Oui, 1917. Qu'est-ce donc ? Eh bien, c'est un film aussi. 1917. Et il est inédit sur France 2. Sur France 3, la série télé inédite Inspecteur Barnaby. Le nom de l'épisode de ce soir est Le Cercle des Couturés. Sur Canal+, Jean Todd, La Méthode. Magazine diffusé à partir de 21h16, suivi de la rediffusion du film Super Speed. Sur France 5, inédit, Qatar au pays des mille et une ruses. C'est inédit, donc je vous l'ai dit, et c'est à partir de 20h55. M6 vous propose un nouveau numéro inédit de Zone Interdite. Direction, eh bien, les expulsions. Ouais, ma formulation de phrase n'est pas bonne. On parle aujourd'hui, en tout cas, dans Zone Interdite, d'expulsion, de saisie, de vente aux enchères. Les huissiers en première ligne. Et puis, dans Enquête exclusive à 23h10, la nouvelle conquête de l'Ouest aux USA, c'est également inédit. Arte vous propose un film inédit, Silence. Sur C8, Confidence trop intime, c'est à partir de 21h10, c'est également un film. Sur W9, autre film, hein, Babysitting, beaucoup de films le dimanche. Sur TMC, vous avez droit eh bien, à du handball, avec le tour principal de l'Euro féminin de handball, la France qui affronte le Monténégro. Sur TFX, Le Maître d'école, c'est un film. Sur NRJ12, Quotidien hors du commun, plusieurs numéros diffusés ce soir. Rembobina, c'est comme tous les dimanches soirs sur la chaîne parlementaire, consacrée aujourd'hui, à Pierre Desproges, voilà, un pionnier de la télévision. Sur Culture Box, France 4, Canal 14 de la TNT, Cahier d'un retour au pays natal, magazine diffusé à partir de 21h10. Ces stars vous proposent, comme toutes les semaines, Chicago Fire, avec différents épisodes inédits de cette série télé. Gulli vous propose dans Gulli Prime un magazine consacré au Tiny House, mini maison sur mesure. TF1 Série Film vous emmène à Noël avec un téléfilm, même plusieurs téléfilms. Noël avec un prince et Mon prince de Noël. Prince et Noël, c'est le programme ce soir sur TF1 Série Film. Sur la chaîne L'Équipe, du football américain avec le retour de la NFL, c'est dès 19h, 3h37 tout pile de football américain sur la chaîne L'Équipe, le canal 21, suivi à 22h37 de L'Équipe du soir en direct. Sur Sister, le film Mon beau-père, mes parents et moi, suivi de Mon beau-père et moi. Et puis on continue avec RMC Découverte qui vous propose un programme inédit, Faites entrer l'accusé, plusieurs numéros inédits ce soir, La loi de Denis Manetchez et Hervé Robineau, La trahison du jardinier. Le temps de sortir ma pelle et je vous emmène en Alaska, c'est en tout cas RMC Découverte qui vous emmène seul face à l'Alaska avec plusieurs numéros ce soir. Et on termine avec Chérie 25 qui rediffuse des épisodes des petits meurtres d'Agatha Christie comme toutes les semaines. Voilà pour votre programme télé, 11h21. 10h midi, la case du week-end. Non, je ne suis pas en retard. J'ai tenu les horaires jusqu'à plus d'11h, c'est déjà bien. Dans quelques instants, on parle d'économie sur Phil FM et Radio Antigone, mais pour l'instant, c'est Kyo avec Stand Up. Il me dit que je suis belle, qu'il a rarement vu ça, en tout cas rien de tel. Depuis la dernière fois, c'est la moisson des cœurs, le mien s'est fait faucher. Dis-moi de quelle hauteur, je suis tombé à ses pieds. Oh, dis-moi de quelle hauteur. De quelle hauteur. Il a débarqué d'un film, sorti le grand jeu. Je me suis senti libre, brillant dans ses yeux. J'ai côtoyé les cimes du monde des gens heureux. Partenaire de crime, de ceux qui vibrent à deux. De ceux qui vibrent à deux. Et rien qu'à deux. Il m'a pris la main pour me la demander. J'ai sauté dans le grand bain sans trop savoir nager. J'ai sauté dans un train sans aucun passager. On n'est pas clandestin si on n'est pas contrôlé. Mon cœur m'a dit lâche-toi. Mon corps m'a dit tire-toi. Stand up and leave. Stand up and leave. Your life. Mon cœur m'a dit lâche-toi. Mon corps m'a dit tire-toi. Stand up and leave. Stand up and leave. Your life. J'ai quitté mon job, on a déménagé. Je ne ferme plus les portes, je ne vais plus danser. Toujours plus loin de mes potes qui n'a jamais aimé. Ils ne me connaissent pas comme lui me connaît. Mais moi je les aime tellement. Je les ai tellement aimés. Hier j'étais sale louve, il paraît qu'aujourd'hui ma jupe est bien trop courte, mes idées aussi. Il n'est plus jamais dupe du balancement de mes cuisses. Maquillée comme une pute, j'ai perdu son estime. Je vais finir empaillé. pour me la demander. J'ai sauté dans le grand bain sans trop savoir nager. J'ai sauté dans un train sans aucun passager. On n'est pas clandestin si on n'est pas contrôlé. Mon cœur m'a dit lève-toi. Mon corps m'a dit tire-toi. Stand up and leave. Stand up and leave. Your life. Mon cœur m'a dit lève-toi. Mon corps m'a dit tire-toi. Stand up and leave. Stand up and leave. Your life. Mon cœur m'a dit lève-toi. Mon corps m'a dit tire-toi. Aujourd'hui, l'économie. Le jingle était pressé de partir, je vous disais donc que c'était Kyo avec Stand Up sur Phil FM et Radio Antigone. Direction, eh bien, le marché européen de l'ananas, puisque depuis la rentrée, l'ananas a moins la cote sur ce marché. La demande est en baisse et les prix, inévitablement, s'en ressentent, Marie-Pierre Olfan. Les semaines filent et le constat est le même. La demande en ananas est de plus en plus atone sur le marché européen. La cellule d'études économiques Fruitrop le confirme, la situation s'est dégradée depuis le retour des vacances. La rentrée des classes n'a clairement pas rimé avec ananas cette année et le manque d'appétit des Européens ne suffit plus à absorber l'offre qui n'est pourtant pas excessive. Le marché maritime qui était plutôt stable a tendance à plonger, résume un expert de la filière. Pour vider leur stock, les opérateurs ont donc joué sur les prix et depuis 4 semaines, ces derniers sont en chute. Ils tournent autour de 6-8 euros le colis après avoir atteint des pics à 12 euros cette année. La demande n'a pas seulement baissé sur le marché maritime, l'aérien qui constitue moins de 2% des échanges mondiaux est aussi touché. L'ananas qui voyage par les airs, plus cher en temps normal que celui qui part par bateau, a durement souffert de la flambée des coûts du fret. Les importateurs ont été contraints de répercuter la hausse sur les fruits, or toutes les variétés ne supportent pas d'être vendues à un prix plus élevé. La variété pain de sucre, de forme conique, plus appréciée et plus constante en termes de qualité que la cayenne, tire le mieux son épingle du jeu. Autre marché de niche qui a dû s'adapter à la conjoncture, celui de l'ananas Victoria. Face à une offre réunionnaise et mauricienne en déficit, le Victoria sud-africain a fait une percée remarquée dans les supermarchés européens. Merci beaucoup à vous, Marie-Pierre Olfan, pour cette chronique économique. On vous retrouve peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. D'ici là, eh bien, il y aura une nouvelle case du week-end dès samedi avec Dominique Bayard, bien sûr, et donc vous, sûrement, l'heure d'après à 11h23. Dans quelques instants, on fait un nouveau point sur l'info, mais pour l'instant, voici Santi Gold avec Starstruck. Merci beaucoup d'écouter Radio Antigone et Phil FM. La case du week-end se poursuit pendant encore une trentaine de minutes. Dans 30 minutes, il y aura un journal complet de 10 minutes avec notre partenaire RFI. Mais pour l'instant, on va faire un point sur l'actu puisqu'il est 11h30. Phil FM, Radio Antigone. Dans un instant, sachez que nous allons pouvoir profiter des actus du numérique, des actus du sport et des actus des médias. Phil FM, feel the Mais avant, que se passe-t-il dans le monde? Vous voulez tout savoir? Eh bien, voici les infos. Deux ressortissants français ont été arrêtés en Iran, portant à 7 le nombre de détenus français dans les prisons de la République islamique. C'est ce qu'a annoncé la chef de la diplomatie française aux Parisiens hier, après des inquiétudes sur deux compatriotes. Il en ressort, après les dernières vérifications, qu'ils sont également deux détenus, donc, a-t-elle annoncé, affirmant que le chantage ne doit pas fonctionner. Dans l'actualité également, le Parti démocrate aux États-Unis a remporté le siège qui lui manquait pour pouvoir conserver le contrôle du Sénat des États-Unis. Victoire décisive pour la présidence de Joe Biden, mais un nouvel échec pour Donald Trump. Dans l'actualité également, les secours qui ont retrouvé cette nuit le corps sans vie d'une victime dans les décombres des deux immeubles qui s'étaient effondrés hier matin en plein centre de Lille. Il a été confirmé que c'était bien celui d'un médecin porté disparu dont la voiture avait été retrouvée devant le parking de l'immeuble et qui ne s'était pas présenté à ses consultations. Dans l'actualité également, aujourd'hui, le nombre de migrants ayant effectué la périlleuse traversée de la Manche à bord d'embarcations de fortune pour rejoindre le Royaume-Uni a dépassé aujourd'hui la barre des 40 000, un record, a annoncé le ministère britannique de la Défense. Voilà pour cette actualité et on continue avec cet appel à la mobilisation militaire par le président russe Vladimir Poutine il y a quelques semaines qui a poussé, d'après la présidente géorgienne, plus de 700 000 Russes à franchir la frontière vers la Géorgie. Justement, 600 000 et quelques seraient repartis dans différentes directions, en Arménie, en Turquie ou dans d'autres pays européens, et 100 000 à peu près seraient toujours là-bas, en Géorgie. Plus d'un demi-million donc de personnes qui auraient fui pour fuir l'appel à la mobilisation militaire de Vladimir Poutine. Dans l'actualité également, la COP27 qui se poursuit et qui va bientôt se terminer. Bon, on en est à mi-parcours, hein. Elle est en Égypte, elle s'achèvera le 18 novembre. Pour l'instant, les annonces concernent essentiellement des fonds débloqués par les États-Unis, l'Allemagne et l'Union européenne. Et sur le sujet de la solidarité, le sujet de la solidarité climatique peine à avancer. Le seul consensus pour l'instant est qu'il faut avancer sur le sujet. Voilà qui avance très très bien. Justement, on parle de climat, et bien voici la météo. Vous avez vu cette transition ? La météo, c'est pas mal aujourd'hui, avec un temps plutôt agréable. C'est aujourd'hui qu'il faut sortir, si vous voulez en profiter. Des températures moyennement élevées sur la partie nord, élevées sur la partie sud. Hein. Plus vous descendez, plus vous avez de la chaleur. 12 degrés pour Lille, 11 degrés juste au sud, c'est pour Amiens, et jusqu'à 20 degrés pour Marseille, avec du grand soleil un petit peu partout. Attention à ces pluies, néanmoins, sur Ajaccio, malgré les températures élevées, 19 degrés. Sinon, vous allez pouvoir profiter du soleil. Ça va se gâter demain avec la pluie qui va arriver du côté de l'ouest de la France, du côté donc de la Nouvelle-Aquitaine, des Pays de la Loire. Encore un petit peu d'éclaircie pour la Bourgogne-Franche-Comté. Comptez des températures comprises entre 8 et 10 degrés là-bas. En région Nouvelle-Aquitaine, 14 degrés. Dans la Provence-Alpes-Côte d'Azur, 14 degrés à Nice et 16 degrés à Marseille. Dans l'après-midi, les températures ne vont pas beaucoup évoluer, mais juste assez pour qu'à Montpellier, des orages se déclarent et la pluie qui risque de continuer à être présente les jours suivants avant le retour du soleil le week-end prochain. La case du week-end. Radio Antigone, Phil FM. Tous les week-ends de 10h à midi, c'est la case du week-end avec Enzo. Elle continue en effet la case du week-end. Encore 36 minutes à passer ensemble, ou plutôt 35 et 30 secondes. Merci de nous écouter. On va écouter Robert Francis dans un instant. Sachez qu'il y aura les actus du numérique. Et oui, ça va nous faire du bien. Les actus du sport. Bah oui, les actus du sport, c'est pas mal ça. On va très certainement parler aux routes du Rhum et foot avec notre partenaire d'RFI. Il y aura bien sûr de nouvelles actus médias. On va également parler foot de la Coupe du Monde et du dispositif du côté de la chaîne L'Équipe et du groupe Altice, notamment RMC et les chaînes RMC. Qu'est-ce qu'on aura d'autre ? Eh bien des sorties cinéma, de nouvelles sorties cinéma à rajouter à celles du début d'émission que vous avez loupé peut-être, eh bien que vous pourrez retrouver en podcast si c'est le cas, de nouvelles sorties cinéma si nous aurons le temps. Donc je ne vais pas perdre de temps justement et vous dire qu'on écoutera Mimi Webb dans un instant avec Halfway. Et puis vous le savez, on adore écouter des classiques musicaux que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. Il y aura Bandolero avec Paris Latino. Restez sur Radio Antigone et sur Phil FM pour profiter de ce grand classique musical que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. Juste avant les actus du numérique, voici Robert Francis, extrait de son album Before Nightfall de 2009, Yoonbug. avec nous sur Radio Antigone, Robert Francis Younbug. Toujours un plaisir de réécouter ce titre qui pourrait presque être un classique musical. Hein. Il est assez récent, 2009, l'album Before Nightfall. Radio Antigone, Phil FM. Les actus du numérique. Quelques informations, bref, peut-être, si je les ai sous la main. Ce qui n'est pas sûr, car j'ai encore du mal avec mon conducteur. Eh ben oui, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh ben, je n'ai rien, voilà. Ultra pratique, ça ne fonctionne pas. Oui. Eh ben, qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas, du coup, voilà, c'est de belles actus du numérique, comme on les aime. Voilà. Eh ben, au revoir. Je me suis encore perdu dans mes fichiers. Voilà, ça m'arrive, mais un peu trop souvent. Voilà. Ça m'arrive beaucoup trop souvent. De quoi peut-on parler? Allons-y, hein, je vais peut-être me remettre de mes émotions. Voilà. Petite actu rapide. Avec Google qui commence à travailler sur son Pixel 7a qui devrait corriger peut-être le plus gros défaut du Pixel 6a. Et oui. Car il y aurait un meilleur capteur photo qui est le point noir du Pixel 6a qui fait partie des meilleures surprises sous les 500€ de milieu de gamme cette année, mais qui a quelques petits problèmes en qualité photo. Et bien le prochain, le 7a, pourrait peut-être s'améliorer. C'est en tout cas ce qui a été annoncé dans les rumeurs de développement de ce prochain Google Pixel. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'actu aujourd'hui? Voilà, alors, dans les actus du numérique, oui, est-ce que j'ai autre chose? Je ne sais pas. Voilà. Vous savez quoi? Je vous propose qu'on s'arrête là, parce que c'est un désastre, et c'est dommage de terminer sur ça. Voilà, hein, donc on va passer à quelque chose d'un petit peu plus sérieux. En plus, je suis en retard. J'ai vraiment pas une actu du numérique intéressante. Il se passe rien, en fait, hein. Voilà. Ah si, allez, ce petit sondage. Voilà, petit sondage Amazon. L'abonnement Amazon Prime permet d'avoir accès à de nombreuses fonctionnalités du grand groupe Amazon, que ça soit de la livraison gratuite et accélérée ou encore bien d'offres spéciales ou de la plateforme Prime Video, la plateforme de Amazon Music également. Eh bien, selon certains sondage, voilà, ça serait toujours la livraison gratuite, hein, qui intéresserait le plus pour Amazon Prime, qui donc serait l'argument le plus principal qui pousse à prendre Amazon Prime. Voilà pour ces actus du numérique totalement ratés. On passe à la suite, on y va. 10h midi, la case du week-end. Et il fallait bien que je fasse une chronique ratée quand même, sinon ce n'est pas la case du week-end. Voici Mimi Web. I'm sorry, but I- Merci d'être avec nous sur Radio Antigone avec le micro allumé, ça fonctionne toujours mieux. C'était Mimi Web à l'instant avec Alf Way. Voici les actes du sport tout de suite. Et je n'ai pas de bête, mais c'est pas... Allez, on va faire un petit bête spécial. Alors on va faire comme ça, et les actes du sport avec RFI. Et c'est avec vous Victor Missistrano à la une du rugby, la tournée d'automne à moins d'un an du mondial. Le choc entre la France et l'Afrique du Sud hier à Marseille était attendu et il a tenu toutes ses promesses. Âme sensible, s'abstenir, une rencontre extrêmement physique, des contacts rudes et un scénario haletant. Les Français ont finalement remporté ce combat 30-26, victoire étriquée mais 12e victoire d'affilée du 15 de France. Les Bleus menés au score, bousculés, perturbés par l'exclusion de leur capitaine Antoine Dupont à la suite d'une charge involontaire, ils ont finalement trouvé les ressources pour marquer un essai en fin de match et s'imposer face aux champions du monde. Le sélectionneur Fabien Galthié s'en félicite. Tous les joueurs sont allés chercher cette victoire. En fait, ils ont refusé la défaite. À un moment donné, on sentait qu'elle rôdait par là, elle était dans le stade. On l'a même vue, je pense qu'on l'a aperçue. Mais les joueurs, ils ont refusé. Et à quel prix et comment? Quand vous voyez le dernier quart d'heure, comment ils ont retourné ce match? Comment ils les ont mis au supplice, hein? Collision après collision, décision après décision. Donc c'est un scénario qu'on ne peut pas travailler tant qu'on ne l'a pas vécu. Je pense que pour cette génération, cette équipe, j'espère qu'on va retenir ce qu'on a vécu là. En face, il y avait les champions du monde. Le sélectionneur du 15 de France au micro de Cédric De Oliveira. Les Bleus termineront cette tournée dimanche prochain, Julien, face au Japon. Et du football à présent. Alors que les derniers matchs avant la Coupe du Monde se jouent ce week-end en France, le Paris Saint-Germain est assuré de finir l'année en tête du championnat. Oui, Paris compte 2 points d'avance sur Lens, tombeur hier de Clermont. Les Parisiens vont refermer 2022 avec la réception d'Auxerre. Et forcément, les nombreux internationaux ont le mondial dans un coin de la tête. Pour autant, l'entraîneur Christophe Galtier devrait aligner la plupart de ses vedettes, surtout en attaque. Si Marquinhos ou encore Fabian Ruiz sont absents pour cause de pépins physiques, les Kimpembe, Mbappé, Neymar et Messi seront là. Les trois fantastiques qui devraient même être titulaires. L'entraîneur parisien s'est montré très clair en conférence de presse. Je ne vais ménager personne. Je ne vais ménager personne. Je ne vais pas ménager. Voilà, je ne vais ménager personne. Je répète. Non, c'est ma voix qui est un peu cassée peut-être. Mais j'ai aucun joueur à l'heure où je vous parle qui est venu directement ou indirectement me dire qu'il ne souhaitait pas jouer ou alors qu'il avait une crainte de faire ce dernier match juste avant le départ pour la Coupe du Monde. Auxerre Paris Saint-Germain, coup d'envoi midi, temps universel, 5 autres matchs au programme cet après-midi, puis Monaco-Marseille en clôture ce soir à 19h45, temps universel. Et puis en Angleterre, c'est Arsenal qui figure tout en haut du classement. Très belle opération des Gunners qui sont décidément candidats pour le titre cette saison. Victoire 2-0 hier soir à Wolverhampton grâce à un doublé de Martin Odegaard. Les hommes de Mikel Arteta ont su profiter de la défaite de Manchester City, défait à domicile par Brentford, 2-1. Il y a désormais un petit écart au tableau. Les Citizens champions en titre ont 5 longueurs de retard. Enfin, Newcastle, vainqueur de Chelsea 1-0, complète le podium. Victor Missistrano, merci beaucoup. Le classique de la case du week-end. Était éteint. Je vous disais donc que c'était Bandolero Paris Latino. Blanche, robe rouge et noire. avec le reflet du miroir. Arrivé direct from Mexico, Don Diego de la Vegas est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, et don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre, don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre, Dr. B, huh, that's me. Parti direct to Mexico, Don Diego de la Vegas à cap son bandeau. Plus personne dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs sont allés se faire voir. Odeur de tabac, de cendrier froid, les parfums sucrés de Miss Cha-Cha-Cha. Oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, et don't forget me, I'm Dr. B. Verre brisé de Cuba Libre, don't forget me, I'm Dr. B. Verre brisé de Cuba Libre, Dr. B, that's me. Bandolero, c'était Paris Latino sur Phil FM et Radio Antigone pour le classique musical de cette case du week-end. Radio Antigone, Phil FM. Les actus des médias. Il est 11h54, quelques actus des médias, comme promis. On parle Coupe du Monde de football qui va débuter au Qatar le dimanche 20 novembre. Et jeudi, eh bien, le groupe, l'équipe a organisé une conférence de presse afin de présenter ses dispositifs, que ce soit pour le journal, pour le numérique ou à l'antenne sur la chaîne L'Équipe. On va parler de la chaîne L'Équipe là pour cette chronique média. La chaîne n'a pas les droits de diffusion de la Coupe du Monde. Néanmoins, elle va se mettre aux couleurs de la Coupe du Monde avec notamment un nouveau programme, un peu comme lors de l'Euro il y a quelques années. Un nouveau programme tout bonnement nommé L'Équipe Foot qui sera diffusé le matin, une heure avant la première rencontre. C'est un talk qui sera lancé, présenté pendant les deux premières semaines par Messaoud Ben Terki, puis par France Piron après avec Benoît Cossé. Une émission qui aura pour but de décrypter la compétition avec une humeur plus posée et avec les envoyés spéciaux. L'occasion aussi de donner les premières informations de la journée, nous dit. Autre information concernant le dispositif, l'objectif d'être leader des talks avec différentes émissions prévues durant l'événement, l'équipe de Greg avec Grégory Hacher qui fera exceptionnellement des débriefs à la mi-temps des matchs, l'équipe du soir sera bien sûr présente comme d'habitude après les matchs et sachez que la grande soirée sera elle aussi présente avec les mythiques matchs commentés sans les images. Benoît Cossé à l'animation et avait la présence de Johan Riou, Candice Roland, Bruno Salomon, Florian Gazan et même l'arbitre Saïd Njimi pour cette émission présente uniquement lors des matchs diffusés sur la chaîne payante beIN Sports. Comme ça, vous pourrez aller voir sur TF1 gratuitement lorsque TF1 a les droits pour les matchs pour lesquels TF1 a les droits. Voilà pour le dispositif du côté de la chaîne L'Équipe. Du côté, pour la chaîne L'Équipe qui d'ailleurs a recruté quelques nouveaux chroniqueurs pour l'occasion que vous allez pouvoir découvrir. Du côté de RMC, du groupe Altice, il y a également eu une conférence de presse et c'était le jour d'avant, mercredi matin, à proximité des locaux du 15e arrondissement de Paris, nous précise ozap.com, bien sûr, c'est utile. Plus de 300 heures seront entièrement consacrées à l'événement sur RMC avec une double grille. RMC qui va conserver son format actuel entre 6h et 14h avec tous les rendez-vous, mais la dernière heure qui sera diffusée en première semaine au moins seulement sur RMC Découverte, la dernière heure de Estelle Midi, 14h, 15h, puisque la radio va proposer en direct l'intégralité des 64 rencontres de la compétition grâce à une radio numérique créée spécialement pour l'événement et à télécharger sur l'application RMC. Selon le directeur général de RMC, c'est une façon de répondre à la demande des auditeurs fans de football sans pour autant bouleverser la grille de la radio. Estelle Denis, qui est pourtant entre guillemets spécialiste de sport et de football, elle a été présentatrice sur la chaîne L'Équipe notamment et même sur C8 dont Touche pas à mon sport, ne sera pas du tout dans des émissions foot puisque son émission continuera à être comme actuellement, si ce n'est un point sur les scores et des alertes buts. Voilà pour le dispositif de RMC auquel je rajoute que 100% de son antenne sera consacré à la Coupe du Monde chaque jour dès 14h en première semaine, dès 16h en deuxième et troisième et dès 18h en dernière semaine avec l'émission intégrale Coupe du Monde, tandis que le Moscato Show va retrouver sa case pleine de 15h à 18h lorsqu'il n'y aura plus de match l'après-midi. Voilà pour tout cela qui sera d'ailleurs assuré depuis un studio de 40 mètres carrés implanté sur la corniche de Doha, un dispositif unique en radio. C'est réjoui selon les mots de OZAP, Gilbert Brissois, le présentateur de l'After Foot qui sera étendu jusqu'à 1h du matin pendant la Coupe du Monde avec notamment une dernière demi-heure de libre antenne ouverte aux questions des auditeurs. Voilà pour une petite partie du dispositif proposé par RMC qui est assez complexe et je ne peux pas tout vous dire, mais donc Pure Media vous propose plus de détails si jamais vous le souhaitez. Voilà pour ces actus du numérique, ces actus des médias, pardon. On n'aura pas le temps de faire des sorties cinéma, mais c'est pas grave, on en a fait en début d'émission. Elles seront à retrouver en podcast sur radioantigone.fr et philfm.fr. La case du week-end. Il me reste 25 secondes pour vous remercier d'avoir écouté cette émission et pour vous dire au revoir. J'espère que cette émission vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec de la très très bonne musique, je l'espère, de grands classiques musicaux que vous avez adorés, j'en suis sûr. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux sociaux ou même via l'onglet contact de Phil FM et de Radio Antigone. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut, c'était Enzo pour la case du week-end. Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.